C'est l'heure de se bouger. J'adore te voir bouger. C'est l'heure de se bouger. J'adore. Je t'invite en soirée, sois sapé. Je kiffe le mec stylé. Si les compresses, c'est ça. De ta tête, et sous ces changements d'état. Bébé, les yonnés, un hip-hop, un tas. Bien zouké, un mélange en encore.